إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله الدعوة إلى الله شرف هذه الأمة وزينتها بين الأمم وهي الدعوة إلى توحيد الله بإفراده بالعبادة ونبذ الشرك وهي الدعوة إلى اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والتحذير من الابتداع في دينه يقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عباد الله إن مما أصاب الناس في زماننا التفرق وكثرة الجماعات والفرق التي تدعي أنها تسير على الطريق الصحيح وتزعم الدعوة والإصلاح وهي على خلاف ذلك في دعوتها لبعدهم عن المنهج القويم ومن تلك الجماعات جماعة التبليغ التي يغلب على أفرادها الجهل بالعقيدة والسنة الصحيحة ويكثر عندهم ذكر الخرافات والقصص الكاذبة ويتباهون دائما أنهم أكثر الناس أثرا على الدعوة من غيرهم وهذه الجماعة كانت بدايتها في الهند مؤسسها رجل صوفي هندي اسمه محمد الياس الكندهلوي أقام جماعته على منهج الديوبندية وعلى البيعة لأربعة طرق صوفية وهي الجستية والنقشبندية والسهروردية والشاذلية وهذه الجماعة وهذه المدرسة الديوبندية تدعو إلى العقيدة الماتريدية وهي من الفرق الكلامية التي تنفي الصفات أو تحرف معناها وهي كذلك تدعو إلى القبورية يعني إلى عبادة الموتى والقبور وهناك في مركزهم الرئيسي في الهند في مركزهم يعني أربعة قبور داخل المركز فلما ظهرت هذه الجماعة ودخلوا أول مرة إلى المملكة العربية السعودية أصدر سماحة المفتي في زمانه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فتوى في شأن هذه الجماعة وذكر فيها أن هذه الجمعية لا خير فيها فإنها جمعية بدعية وضلالة وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك والأمر الذي لا يسع السكوت عنه وممن تكلم في هذه الجماعة سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، حيث قال: جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، وعندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم، إلى أن قال: أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتبصير والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة. وفي فتوى أخرى لسماحته حول حكم الخروج مع هذه الجماعة قال فيها رحمه الله: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم. وقال رحمه الله: وأما الانتماء إلى الأحزاب فالواجب تركها، وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما فهو المقبول، وما خالفهما وجب تركه، ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين أو أنصار السنة أو جماعة التبليغ أو غيرهم من الأحزاب المنتسبة للإسلام. وبذلك تجتمع الكلمة ويكون الجميع حزبا واحدا يرسم خطا أو يرسم خطى أهل السنة والجماعة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله: بلغني عن زعماء لهؤلاء الجماعة في الأقطار الإسلامية خارج بلادنا أنهم على انحراف في العقيدة، فإذا صح ذلك فإن الواجب التحذير منهم. ويقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله: إني أنصح السائل وأنصح غيره من الذين يحرصون على سلامة دينهم من أدناس الشرك والغلو والبدع والخرافات أن لا ينضموا إلى التبليغيين ولا يخرجوا معهم أبدا، سواء كان ذلك في البلاد السعودية أو في خارجها، لأن هؤلاء أهون ما يقال في التبليغيين أنهم أهل بدعة وضلالة وجهالة في عقائدهم وفي سلوكهم، ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة فلا شك أن السلامة في مجانبتهم والبعد عنهم. ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: جماعة التبليغ الذين اغتر بهم كثير من الناس اليوم نظرا لما يظهر منهم من التعبد وتتويب العصاة كما يقولون، وشدة تأثيرهم على من يصحبهم، ولكن هم يخرجون العصاة من المعصية إلى البدعة، والبدعة شر من المعصية، والعاصي من أهل السنة خير من العابد من أهل البدع، فليتنبه لذلك. وقال حفظه الله تعالى: والبدع التي عند جماعة التبليغ قد ذكرها من صحبهم ثم تاب من مصاحبتهم، وألفت كتب كثيرة في التحذير منهم وبيان بدعهم. وممن ذكرهم من علماء الأمة الشيخ الألباني رحمه الله، محمد ناصر الدين الألباني، الذي قال فيهم: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلفنا الصالح، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم. ويقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، واعلموا أن من مخالفات وأخطاء هذه الجماعة، جماعة التبليغ، أولا تركها لعقيدة التوحيد الصافية ومخالفتها للكتاب والسنة. هم لا يعرفون معنى التوحيد ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله، إذ يفسرون التوحيد بالتوحيد الربوبية، فهم لا يفهمون التوحيد على حقيقته. ثانيا، وقوعها في كثير من البدع. ثالثا، ضعف العلم الشرعي لدى أتباعها، بل يبعدون الناس وخصوصا الشباب عن علماء أهل السنة ويحذرونهم من العلماء، نسأل الله العافية. فإذا بقوا على جهلهم، إذا جاءهم من هو على ضلالة يدعوهم بشبهات كثيرة إلى أن يسلك مناهج مختلفة، ينضم إلى المخالفين وإلى المبتدعة بسبب جهله وبعده عن أهل العلم، نسأل الله العافية. رابعا، أن أغلب المنتسبين لها جهلة بأمر الشرع، وهذا عين الفساد. فما أصلح جاهل أبدا، بل يضر نفسه وغيره. وكيف تدعو إلى الإسلام وتدعو إلى الله وأنت على جهل بالشريعة وعلى جهل بالعقيدة؟ فاقد الشيء لا يعطيه. خامسا، تركهم المجالس، مجالس العلماء الربانيين، وإساءة الظن بهم كما ذكرنا. سادسا، الجرأة في القول على الله بغير علم. سابعا، انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم. ثامنا، اعتمادهم على كثير من القصص الكاذبة والمنامات. تاسعا، مقياس الصلاح عندهم بالخروج في سبيل الله على طريقتهم. فأسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واجتماع كلمتنا ووحدة صفنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيرفيتور الله، بريزيرفيفو الله. ساشيه que la da'wa, c'est-à-dire le fait d'appeler les hommes, d'appeler les gens à l'islam et de les appeler au bien, et de les appeler à la sunna, c'est un des éléments qui forment la noblesse de cette umma et qui fait partie des parures de cette umma. Et c'est la da'wa, premièrement, au tawhid, d'appeler l'humanité à l'unicité d'Allah dans l'adoration, en unifiant Allah Azza wa Jal dans l'adoration et en rejetant toute forme de shirk. Et d'appeler les gens à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'avertir contre les innovations et les choses qui sont ajoutées ou inventées dans l'islam. Et Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: et qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah et qui fait des bonnes œuvres et qui dit: je suis parmi les musulmans, ou je suis du nombre des musulmans. Et c'est clair que personne est meilleur en parole que lui. Serviteur d'Allah, parmi les malheurs qui ont atteint notre Ummah à notre époque, la division, les groupes, les sectes et les différentes fractions qui prétendent appeler à l'islam et qui prétendent appeler à la réforme et qui sont en réalité en contradiction avec la réalité de ce que signifie cette réforme et qui appellent à une aqida qui est en contradiction avec la aqida de l'islam et qui contredit la sunna authentique et qui font beaucoup d'innovations et qui appellent à beaucoup de superstitions et à des histoires basées sur des rêves ou sur des choses complètement fabriquées et qui prétendent parfois être les gens de la da'wah ou représenter la da'wah. Et parmi ces groupes, un groupe qui a débuté en Inde et dont le fondateur, qui était un soufi, hein, un élément parmi les éléments des sectes soufistes, dont le nom était Mohamed Elias al-Kandahlawi, qui a établi ce groupe qu'on appelle Jama'at al-Tablir en 1927. Et cet homme, Mohamed Elias, fait partie de l'école des Diobandiyas en Inde. Et il a établi ce groupe de Jama'at al-Tablir sur une allégeance à 4 turuq soufiyas, 4 sectes soufiyas. Et ces 4 sectes sont les Jistiyas, les Naqshbandiyas, les Saharwardiyas et les Shadhiliyas. Et ils ont fait cette alliance pour unir ces différentes turuq ensemble, pour combattre la da'wah et pour combattre la sunna et le tawhid. Et donc parmi leur aqidah, la aqidah qui est enseignée par ces groupes, par ce groupe et par cette école des Diobandiyas, il y a la aqidah qu'on appelle la aqidah des Maturidiyas, qui consiste à nier et à déformer le sens des attributs d'Allah Azza wa Jal, et également à vénérer les tombes et les saints. Et dans leur centre même, en Inde, dans leur mosquée centrale, eh bien, il y a 4 tombes à l'intérieur. Et c'est pour cette raison que les grands ulama de l'islam, lorsqu'on les a interrogés au sujet de cette jama'a ou de ce groupe, eh bien, ils ont émis des fatwas pour avertir les musulmans contre leurs égarements et contre leurs innovations et contre le danger qu'ils représentent. Et c'est des gens qui sont un peu trompeurs en réalité parce qu'ils se présentent avec un bon comportement, dans le sens qu'ils essaient de mimiquer certaines attitudes ou certains comportements de l'islam et d'agir avec douceur pour attirer les ignorants, pour attirer les gens qui sont dans le péché et pour les séduire, pour pouvoir les amener à ce qu'ils rentrent avec eux. Et une fois qu'il est avec eux, eh bien, ça y est, ils ont gagné. Sauf que s'ils constatent que la personne en question a un minimum de connaissances, un minimum de compréhension de l'aqidah, de l'ahl-sunnah et de la voie des salafs, et un peu de connaissances au sujet du manhaj des salafs et de leur aqidah et la compréhension du tawhid, eh bien, leur attitude change et ils deviennent durs et même parfois violent et agressif envers les gens de la sunna. Et parmi les éléments les plus dangereux et les plus graves, justement, que possède ce groupe-là, c'est qu'ils mettent en garde et ils avertissent et ils éloignent les jeunes et les musulmans qui sont avec eux d'être près des ulama et de se rapprocher des hommes de science pour les garder toujours dans l'ignorance. Et j'ai déjà connu dans certaines mosquées ici à Montréal, j'ai rencontré certains qui étaient avec ces gens-là et qui ont voyagé avec ce groupe. Ils partent par exemple 3 jours, 4 mois ou 40 jours, ils pensent qu'ils font des khuruj comme ils l'appellent. Et ce frère, il est resté avec eux pendant des années, 10 ans, 15 ans, et après, jusqu'à aujourd'hui, il n'a toujours pas appris la langue arabe. Il n'a toujours pas appris le fiqh, la aqida, il n'a rien appris de la religion du tout, parce qu'il est resté avec eux et s'est limité à leur méthodologie qui est innovée et qui a pour but uniquement d'éloigner les gens de l'islam. Quand je dis de l'islam, c'est-à-dire de l'islam basé sur la sunna et la aqida salafia, la aqida de Ahl-Sunnah, la compréhension du tawhid. Et même que certains parmi les ulama ont mentionné que lorsqu'ils étaient, par exemple, partis en Arabie Saoudite pour faire la da'wah, soi-disant, ils étaient dans une des mosquées là-bas, alors qu'il y avait un alim, Cheikh Saleh Al-Fawzan, qui était en train de donner un dars sur le tawhid. Ils se sont tous levés et sont partis. Alors, pourquoi? Parce que leur méthodologie s'est basée sur l'idée que tu pars avec eux, puis tu deviens da'ya. Même si tu n'as jamais étudié rien de la religion, ils te disent, lève-toi et prêche, parle aux gens. Et ils te font répéter n'importe quelle chose, sans aucune science, sans aucune compréhension. Mais quand un alim parle et qu'il enseigne le Coran et la Sunna et le Tawhid, ils s'enfuient. Ils ne veulent pas rester pour écouter. Parce qu'ils ont une animosité envers la Sunna et envers la Aqida. Et certains musulmans pensent que la Sunna, c'est seulement d'avoir la barbe et de porter un qamis. Ça, c'est un aspect de la Sunna. Mais ce n'est pas l'aspect le plus important. L'aspect le plus important de la aqida, l'aspect le plus important de la sunna, c'est la aqida de Ahl-Sunna. Si quelqu'un n'a pas la aqida du tawhid, et n'est pas sur la aqida de Ahl-Sunna, dans sa croyance, dans sa conviction, eh bien, même s'il a la barbe et le qamis, ça ne veut rien dire. Il peut être sur la bid'a. Donc, être sur la sunna, c'est pas seulement d'avoir l'apparence extérieure de la sunna, mais c'est avant tout d'avoir la vraie aqida du tawhid et de la sunna et de rejeter les innovations et les bid'as. Si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Même si tu as l'apparence. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont été trompés. Et parmi les ulama, je ne vais pas vous lire toutes les paroles des ulama que j'ai mentionnées, mais une d'entre elles en particulier, celle de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Hafidhahullah. Il dit, Jama'at Tablir, beaucoup d'entre eux ont été trompés aujourd'hui à cause de l'apparence qu'ils ont d'être des gens qui font beaucoup d'adoration et d'appeler les gens à la repentance et à se repentir. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça de gens qui étaient dans le péché, qui buvaient de l'alcool, qui faisaient des choses haram, puis qui sont partis avec eux 40 jours. Soi-disant, ils sont devenus des gens pieux. Donc, ils ont l'habitude de mentionner ces exemples-là pour faire de la propagande pour leur groupe. Et qu'ils ont un impact ou un effet sur les gens. Donc, ils font sortir les pécheurs du péché. Sauf que lorsqu'ils les font sortir du péché, ils les font rentrer dans la bid'a. Et la bid'a est plus dangereuse et plus grave que le péché. Et il dit, le pécheur parmi les gens qui sont sur la sunna est meilleur que l'adorateur qui fait partie des gens de la bid'a. Et ça, c'est une chose que beaucoup de musulmans n'ont pas compris encore. C'est un des principes, parmi les principes de Ahl-Sunna, que si un musulman fait des péchés, et qu'il est sur la aqida qui est bonne, tôt ou tard, il va se repentir. Mais s'il est sur la bid'a et qu'il ne fait pas de péché, déjà cette bid'a c'est plus grave encore, parce que il pense qu'il fait quelque chose que Allah aime, alors que Allah déteste cette chose. Alors comment va-t-il s'en repentir? Il pense qu'il se rapproche d'Allah par une adoration qui n'a pas été légiférée, et il pense que Allah est satisfait de ça, alors que Allah déteste les innovations. Et donc ça, c'est parmi les dangers de ça. Et il y a beaucoup de ulama qui ont mis en garde contre ce groupe. Et à Montréal, ils ont été présents depuis des années. Et je me rappelle, même quand je me suis converti en 91, et à l'époque, il y avait beaucoup de leurs groupes qui venaient dans différentes mosquées à Montréal. Mais par la grâce d'Allah, j'ai rencontré un musulman sur la sunna Et depuis ma conversion, il m'avait déjà mis en garde contre eux. Et donc, par la grâce d'Allah, je ne suis jamais parti avec eux. Allah m'a préservé. Mais ils ont à Montréal des mosquées, comme la mosquée Madani. Et auparavant, c'était la mosquée ICQ. Et donc, c'est pour dire qu'il faut faire attention à ces groupes et à ces jama'at qui, en apparence, ont l'air des gens de bien, qui appellent à l'islam, mais en réalité, ils appellent à d'autres choses, à des bid'ahs. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم